C'était un vrai plaisir de jouer avec vous. À tout bientôt. À vite. C'était trop cool. Et ben bye. Et ben bye bye. Et ben salut. C'était trop génial.